Chapitre 8. Dans une famille, la mère n'est pas toujours la confidente de ses filles. C'est quelquefois le père qu'elles choisissent. C'était le cas chez les Adeline, où Berthe, tout en aimant sa mère tendrement, avait plus de liberté et plus d'expansion avec son père. Occupée, affairée, appartenant à tous, Madame Adeline n'avait jamais pu perdre son temps dans les longs bavardages où se plaisent les enfants. Quand toute petite, Berthe venait dans le bureau pour embrasser sa maman et se faire embrasser, celle-ci ne la renvoyait point, mais elle ne se laissait pas caresser aussi longtemps que l'enfant l'aurait voulu. Elle ne la gardait pas dans ses bras, elle ne la dodelinait pas comme la petite le demandait, sinon en paroles franches, au moins avec des regards attendris et ces mouvements enveloppants où les enfants sont si habiles et si persévérants. Après un baiser affectueusement donné, la mère reprenait la plume et se remettait au travail. Ses minutes étaient comptées. Au contraire, Berthe avait toujours trouvé son père entièrement à elle, sans que jamais il lui répondît le mot qu'elle était habituée à entendre chez sa mère « Laisse-moi travailler ». Il n'avait pas à travailler, lui, lorsqu'elle voulait jouer. Et quoi qu'il eût à faire, il ne le faisait que lorsqu'elle lui en laissait la liberté, et bien souvent même, il commençait sans attendre qu'elle vînt à lui. Avec cela, s'ingéniant à lui plaire en tout, enfant lorsqu'elle n'était qu'une enfant, jeune fille lorsqu'elle était devenue jeune fille. Que de parties de cache-cache avec elle, derrière les pièces de drap et dans les armoires, que de visites aux 15 ou 20 poupées composant la famille de Berthe, qui toutes avaient un nom et une histoire qu'il s'était donné la peine d'apprendre sans en rien oublier, et sans jamais confondre entre eux un seul de ses petits-fils ou une de ses petites-filles. L'âge n'avait point affaibli cette passion de Berthe pour ses poupées, et en rentrant du couvent, elle avait repris avec elle ses jeux d'enfant aussi sérieusement, aussi maternellement que lorsqu'elle n'était qu'une gamine, ne se fâchant point des moqueries de sa grand-mère et de sa mère, mais sachant gré à son père de la prendre au sérieux et de la défendre. « Ne la raille point, » répétait-il. « Les petites filles qui aiment le plus tendrement leurs poupées sont les mêmes qui, plus tard, aiment le plus tendrement leurs enfants. On est mère à tout âge. » Il ne s'en tenait point aux paroles, et quelquefois il voulait bien encore, comme 10 ans auparavant, faire le monsieur qui vient en visite, le médecin et surtout le grand-papa qui revient de Paris, les poches pleines de surprises pour les enfants de sa fille. Dans ces conditions, il était donc tout naturel qu'Adeline se chargeât de parler à Berthe de la demande de Michel Debs. Il avait assez souvent joué le rôle du notaire ou de l'ami de la famille, venant entretenir la maman de projets de mariage à propos de Toto ou de Popo, pour remplir ce rôle sérieusement et faire pour de bon le papa. Le lendemain matin, le vent de la nuit était tombé, et quand à 8 heures le père et la fille montèrent dans la vieille calèche, le ciel était clair, sans nuages, avec des teintes roses et vertes du côté du levant, comme on en voit souvent en novembre, après les grandes pluies d'ouest. Bien que le cocher fût sur son siège, on ne partit pas tout de suite, parce qu'il fallait arrimer le déjeuner dans le coffre de derrière, et c'était à quoi s'occupait Madame Adeline, aidée de Léonie. Il ne restait pas de domestique au tuy pendant l'hiver, et lorsqu'on devait y manger, il fallait emporter les provisions qu'on voulait ajouter aux œufs frais de la fermière. Enfin, le coffre fut fermé. « Bon voyage !»« À ce soir !» Et de la rue Saint-Étienne, la calèche passa dans la rue de l'Hospice pour gagner la côte du bourg Théroulde. Comme le temps était doux, les glaces n'avaient point été fermées. En tournant au coin de la rue du Thuy-Angers, Adeline aperçut Michel Debs qui venait en sens contraire. « Tiens, qu'est-ce que Michel Debs fait par ici » dit-il. « Il faut le lui demander, » répondit Berthe en riant. « Ce n'est pas la peine. » On se salua, et pour la première fois, Adeline remarqua qu'il y avait dans le regard de Michel, comme dans le mouvement de sa tête et le geste de son bras, quelque chose de particulier qui ne ressemblait en rien au salut de tout le monde. Comment n'avait-il pas vu cela jusqu'alors? Est-ce que Michel Debs savait que nous devions aller au Thuy ce matin? Demanda Adeline lorsqu'ils furent passés. Comment l'aurait-il su? Tu aurais pu le lui dire hier au soir. Berthe ne répondit pas. Puisque le hasard de cette rencontre mettait l'entretien sur Michel, Adeline se demanda s'il ne devait pas profiter de l'occasion pour le continuer. Mais il ne s'agissait plus de Toto ou de Popo, et il trouva que dans cette voiture, il n'aurait pas toute la liberté qu'il lui fallait. C'était la vie de sa fille, son bonheur qui allait se décider. L'émotion lui serrait le cœur. Leur présente était si différente de celle qu'autrefois, dans ces moments de rêveries ambitieuses, il avait espéré. Comme depuis longtemps déjà il gardait le silence, absorbé dans ses pensées, Berthe le provoqua à parler. « Qu'as-tu ? » demanda-t-elle. « Tu ne dis rien. Tu n'es donc pas heureux d'aller où tu es ?» C'était une ouverture. Il voulut la saisir, sinon pour l'entretenir tout de suite de Michel, au moins pour la préparer à se prononcer sur sa demande en connaissance de cause. Il ne suffisait pas en effet de lui dire « Michel Debs, l'associé de la maison Ekedebs, désire t'épouser. » Il fallait aussi qu'elle sût à l'avance dans quelles conditions Michel se présentait et l'intérêt matériel qu'il pouvait y avoir pour elle à l'accepter. Ce n'était pas du tout la même chose de refuser ce mariage alors qu'elle croyait à la fortune de ses parents que de le refuser en sachant cette fortune gravement compromise. « Il a été un temps, dit-il, où je n'avais pas de plus grand plaisir que d'aller au Tuy. C'est là que j'ai appris à marcher. C'est là que tu as fait tes premiers pas sur l'herbe. Dans la maison, le jardin, les terres, il n'y a pas un meuble, pas un buisson, pas un chemin ou un sentier qui n'ait son souvenir. Depuis 18 ans, je n'ai pas planté un arbre, je n'ai pas fait une amélioration, un embellissement, sans me dire que ce serait pour toi. Et maintenant, je me demande si je ne vais pas être obligée de le vendre. » « Vendre le Tuy ? Il faut que tu saches la vérité, si pénible qu'elle puisse être pour toi. Nos affaires vont mal, très mal, et si nous ne sommes pas ruinés, il faut avouer que nous sommes gênés. La crise que nous traversons, et les faillites, nous ont mis dans une situation difficile. J'espère en sortir, mais il est possible aussi que le contraire arrive. Quant au Tuy, hypothéqué déjà lorsque j'ai dû rembourser ta grand-maman, il l'a été depuis pour toute sa valeur. Et avec la dépréciation qui a frappé la terre en Normandie, il nous coûte aujourd'hui plus qu'il ne nous rapporte. Si la situation s'aggrave, il n'est que trop certain que nous ne pourrons pas le garder. Voilà pourquoi je n'ai plus le même plaisir qu'autrefois à aller dans cette terre que j'aimais, non seulement pour moi, mais encore pour toi, où j'arrangeais ta vie avec ton mari, tes enfants, et nous-mêmes devenus vieux. Ne sens-tu pas combien la pensée de m'en séparer m'attriste ? Berthe prit la main de son père et l'embrassa tendrement. « Ce n'est pas au Tuy que je pense, c'est à toi. » Ils avaient quitté la grande route pour prendre un chemin coupant à travers des sillons de blé qui, nouvellement ensemencés, commençaient à se couvrir d'une tendre verdure. À une courte distance sur la droite, se détachait sur le fond sombre d'une futaie la façade blanche et rouge d'une grande maison. C'était le château du Tuy, qui, par la masse de sa construction en pierre et en briques, par ses hauts combles en ardoise, par ses cheminées élancées, écrasait les bâtiments de la ferme groupés alentour dans une belle cour du Roumois plantée de pommiers et de poiriers puissants comme des chênes. « C'était bien vraiment un bon père de famille que je soignais tout cela, » dit-il en promenant çà et là un regard attristé. Ils entraient dans la cour, l'entretien en resta là. On avait vu la voiture venir de loin dans la pleine nue, et le fermier, sa femme et ses deux enfants étaient accourus pour recevoir leur maître. Berthe, qui était la marraine de ses deux enfants, dont l'un avait 4 ans et l'autre 5, et qu'elle aimait comme des poupées, les prit par la main. « Ils déjeuneront avec nous, » dit-elle à la fermière. « Je leur apporte des gâteaux. »« Faut que je les débrode, » dit la mère. « Je les débroderai moi-même, » répondit Berthe, qui voulait bien parler normand avec les paysans. En effet, avant le déjeuner, elle les débarbouilla à fond, les peigna, les attifa, et à table en plaça un à sa droite et l'autre à sa gauche, de façon à bien les surveiller, ce qui n'était pas inutile, car avec leur gourmandise naturelle, que l'éducation n'avait point encore adoucie, ils voulaient commencer par les gâteaux. Adeline, assise vis-à-vis de sa fille, la regardait s'occuper de ses deux gamins, et avoir les prévenances, les attentions qu'elle avait pour eux, en leur disant de douces paroles à l'accent maternel, ils s'attendrissaient. Si ce mariage avec Michel Depp se manquait, trouverait-elle à se marier plus tard ? Ne serait-elle pas privée d'enfants, elle qui les aimait si tendrement ? À un certain moment, il exprima tout haut cette pensée, au moins en partie. « Quelle bonne mère tu ferais ? » dit-il. Ce fut le mot auquel il revint, lorsqu'après le déjeuner, ils sortirent seuls dans le jardin et par la futaie gagnèrent la forêt. Il avait pris le bras de sa fille et, soulevant de leurs pieds les feuilles tombées des hêtres, marchant sur le velours des mousses, ils allaient lentement côte à côte, lui ému par ce qu'il avait à dire, elle troublée et angoissée par cette émotion qu'elle sentait et qu'elle attribuait au tourment de leur situation. « Quand je disais tout à l'heure que tu ferais une bonne mère, te doutes-tu que ce n'était pas une allusion à un fait en l'air ? Elle le regarda toute surprise, sans comprendre, et cependant en rougissant. « As-tu deviné pourquoi M. Heck est venu hier soir ? » continua-t-il. Elle leva encore les yeux sur lui un court instant, puis vivement les baissant. « Fais comme si je l'avais deviné, » murmura-t-elle. « Ah, petite fille !» dit-il en souriant de cette réponse féminine. Elle lui serra le bras par un mouvement d'impatience involontaire. « Eh bien, il est venu demander ta main pour Michel Debs. »« Ah, c'est là tout ce que tu dis ? Qu'est-ce que maman lui a répondu ? Qu'elle m'en parlerait ? Et toi, qu'est-ce que tu as dit à maman ? Que je t'en parlerai, car avant nous et les raisons de convenance, il y a toi et les raisons de sentiment. Pour que nous répondions, ta mère et moi, il faut donc que d'abord tu répondes toi-même. » Cependant, après un moment de silence, ce ne fut pas une réponse qu'elle adressa à son père. Ce fut une nouvelle question. « Est-ce que M. Debs sait que nous sommes... est-ce qu'il connaît la vérité sur la situation de tes affaires ?»« Je l'ignore. Cependant, il est probable que s'il ne sait pas toute la vérité, il la soupçonne en partie. Dans le monde des affaires, il n'est personne à Elbeuf qui ne sache que notre situation n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était il y a quelques années. Mais quel rapport cela a-t-il avec la réponse que je te demande ?»« Ah, papa, c'est naïf ce que je dis !» Elle lui secoua le bras doucement par un geste de mutinerie caressante. « Si Monsieur Debs, sachant que tes affaires ne vont pas bien, demande néanmoins ma main, c'est qu'il m'aime. »« Ah, j'y suis. »« Ah, dame, et cela te fait plaisir ? Tu demandes des choses. »« Alors, tu ne soupçonnais pas qu'il t'aima ? » ?»« Je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que je voyais bien que Monsieur Debs était très aimable avec moi. Partout où j'allais, je le rencontrais. Toujours, je trouvais ses yeux fixés sur moi, très tendrement. » Il avait en me parlant des intonations d'une douceur qu'il n'avait pas avec les autres, ni avec Marie, qui est mieux que moi, ni avec Claire, qui est dans une situation de fortune supérieure à la nôtre, ni avec Suzanne, ni avec Madeleine. Mais les choses n'avaient jamais été plus loin. Maintenant, elles ont marché, et il dépend de toi qu'elles en restent là, s'il ne te plaît point. Je ne dis pas cela. Dis-tu qu'il te plaît ? Il est très bien. Devant ses réticences, il revint à son idée. Peut-être ne voulait-elle pas de ce mariage et n'osait-elle pas l'avouer. Il fallait lui venir en aide. Il est vrai qu'il est juif. Elle se mit à rire franchement. « Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'il soit juif ?